chansons chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Mon cœur est plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin. Un peu d'accordéon, c'est bon. Auditrice, bonjour auditeur et bonjour internaute, bienvenue dans Musette Party sur Radio Gemozo 107.0 sur Résonance FM 88.1 et sur Fréquence Amétis sur le 91.3. Donc vous avez trois fréquences sur lesquelles vous nous écoutez. Donc la première 107.0, c'est à Saint-Étienne-lès-Miremont, 88.1 à La Bresse et 91.3 à Vesoul. Et c'est votre émission Musette Party comme chaque samedi matin et chaque dimanche matin. Les horaires entre 10h et midi sur Radio Gemozo, dès 11h sur Résonance FM, dès 9h sur Fréquence Amitié. Et le dimanche, eh bien, c'est dès 5h sur Résonance FM et dès 7h sur Radio Gemozo. Bon, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Et à présent, eh bien, on vous souhaite un bon moment dans Musette Party. Eh bien oui, c'est les vacances hein, aujourd'hui. Bonnes vacances à vous hein, si vous arrivez dans la région. Ou si vous partez, eh bien soyez prudents sur les routes. Et là, on va aller du côté de la Belgique avec notre ami André Lope. On ouvre le bal avec André Lope, qui nous vient de Belgique, donc, et qui nous emmène danser ce passe-double de Willy Staquet et André Lope. Ça s'appelle Cabrera. Extrait de son album Super Dancing, volume 1, en 16 titres. Allez, c'est parti avec le passe-double André Lope. Et bienvenue dans Musette Party. Thank you. Eh bien, merci à notre ami Daniel Girard, extrait d'une compilation qui s'appelle Franche-Comté en fête, avec Manu Mauguin, Benoît Chabot, Pierre-Alain Crumnacher, Florent Goris, Émilie Roy et Daniel Girard. Voilà, tous des Francs-Comtois, bien entendu, puisque c'est Franche-Comté en fête. Voilà, donc c'était le Passo des Bassos dans Musette Partie. Voilà, si vous venez de prendre l'antenne, eh bien, vous ne manquez pas grand-chose, puisque c'était la première série. Hein. Donc, voilà. Alors, après le passo-doble, eh bien, allons valser avec Stéphanie Métaux et son album Sensibilité Musette. Alors, c'est un album en 17 titres, eh bien, oui, avec inclus, eh bien... La Xardas et donc cette valse que l'on va écouter, vous allez découvrir peut-être, je sais pas, en tout cas c'est Sensibilité Musette, cette valse est le titre phare de cet album. Stéphanie Métaux. Attention, ça va tourner, c'est parti pour la valse. We'll be right back. Eh bien, merci à Guillaume Pruvot. Guillaume Pruvot, dont vous êtes parti avec cette dernière valse. Très jolie valse d'ailleurs, hein, très bien interprétée. Ça s'appelle Le plaisir des valseurs, signé Vincent Duez et Guillaume Pruvot, qui nous vient de Yonval dans la Somme. Voilà, c'est un Picard. Ah, les Picards. Hein. On les salue d'ailleurs au passage, hein, nos amis Picards. Voilà, vous êtes bien dans mes aides parties. Après les valses, c'est bien un petit peu de tendresse et on va aller danser le tango. Eh bien, ce premier tango, eh bien, c'est Lucien Chambé que voici avec avec C'est le tango des copains. Voilà, tout simplement. Extrait de cet album Souvenir du piano à bretelles chez Lucien. Un album en 17 titres et qui nous vient, eh bien, de Megève en Savoie. Allez, place au tango. Thank you. n'oubliez pas le bisou à votre cavalière. C'était Félicien Brut dans Musette Partie avec ce tango qui s'appelle Pacifique Sud. Voilà pour les tangos. Alors, après le tango, eh bien, on continue, on poursuit notre bal dans Musette Partie sur Radio Gémozo, sur Fréquence Amitié également et sur Résonance FM. Et on va aller danser le foxtrot à présent avec Cédric Saillard, 10 ans musette, c'est le titre de son album et son orchestre, hein. Cédric Saillard, eh bien, qui nous emmène danser ce foxtrot et ça s'appelle « Viens danser dans ma guinguette » de Maurice et Michael Larchange et de Jean-Louis Morel et Michel Pruvot. Un album en 16 titres. C'est un album également disponible en DVD. CD et DVD. Disponible chez Boulevard Studio. Allez, c'est parti. Pour le foxtrot. Thank you. Et c'était le chouchou du Foxtrot, interprété par Christelle Jean-Blanc dans Musette Party, avec donc ce Foxtrot eh bien, de Jean Lallemand, c'est de Florent Goris également, de Christelle Jean-Blanc et de votre serviteur. Donc on a fait ce Foxtrot tous les quatre. Et on l'a appelé comme ça, on l'a nommé comme ça, le chouchou du Foxtrot. C'est mignon, c'est chou. Voilà, donc Christelle Jean-Blanc avec son album, hein, son album qui s'appelle eh bien Souvenir d'une dernière valse en 24 titres. Et à noter que Christelle Jean-Blanc eh bien, vous fera danser du côté de la Haute-Marne, à Langres, en face de la gare à la Loco, pour un thé dansant à partir de 14h30 le dimanche 21 juillet. Alors pour plus d'infos, eh bien voici un numéro. Le numéro de la Loco à Langres, eh bien, c'est le 03 25 87 49 91. Je répète, 03 25 87 49 91. Donc ça, c'est pour le dimanche 21 juillet. Et elle sera également en Haute-Marne, mais du côté de Bourbonne-les-Bains au Foulon, le mercredi 24 juillet de 15h à 19h30 pour un thé dansant au Foulon. À Bourbonne-les-Bains, le numéro, eh bien, c'est le 03 25 90 02 57. Je répète, 03 25 90 02 57. On va aller danser la Java avec André Blot, un immense artiste bah, qui est malheureusement au paradis des musiciens, André Blot. Et on l'écoute avec deux Java, donc c'est Tata Ginette et la Javotte. Allez, c'est parti pour la Java avec André Blot. We'll be right back. À nous la Java, à nous la Java, interprétée par votre serviteur dans Musette Party. Et cette Java, eh bien, de Frédéric Buch, de votre serviteur. Donc, on l'a faite tous les deux. Extrait de mon album Des Vosges à la Savoie, volume 2. Également disponible sur l'album Bal Vosgien, volume 3. Voilà. Et à noter que je vous donne rendez-vous du côté de la Meuse au Dancing. Le Diamant Bleu, à côté de Verdun, ça se touche, hein. Donc c'est à Thierville-sur-Meuse, et vous pourrez venir danser donc au son de l'accordéon de votre serviteur le dimanche 21 juillet. Alors pour plus d'informations, voici deux numéros. Le premier, alors c'est le 06 62 74 05 37, je répète 06 62 74 05 37 ou un autre numéro. Alors c'est le 03 29 84 83 63, je répète 03 29 84 83 63. Voilà, c'est le numéro du Diamant Bleu à Thierville-sur-Meuse, à côté de Verdun. Et à présent, eh bien, on va aller danser le boléro avec Patrice Jounier, notre ami Patrice Jounier. Excellent accordoniste, hein, qui nous vient dans ce Nice. Donc c'est Une nuit à Manzanillo que voici, c'est le titre, hein, de ce boléro. Une nuit à Manzanillo. Eh bien, c'est de Claude Barbotin, Georges Guyonnet et Patrice Jounier. Donc c'est parti pour la tendresse, le boléro. Comme au bal, volume 1. C'est le titre de cet album. Thank you. que c'est joli, c'est reposant en tout cas, ça donne envie d'aller sous les palmiers, dans le sable chaud. Florian Lagarde là, avec ce joli boléro, Nel Cuore di Roma. Voilà, c'est de Jean-Marc Torchi, Bernard Marly et Hubert Ledan. Et après la tendresse, eh bien, on va aller danser la tarentelle. Eh bien oui, on va aller en Italie. Laura Vimard, eh bien Laura Vimard qui nous amène danser cette tarentelle. Une tarentelle, eh bien en duo avec sa maman, Christelle Jeanblanc. Rien de tel qu'une tarentelle. Et c'est signé Pierre-Yves Lombard, Jérôme Richard et votre serviteur. Donc c'est parti pour la tarentelle. Laura Vimard et Christelle Jeanblanc. C'est parti pour les tarentelles. Extrait de son album À la poursuite des boutons en 16 titres. Ah non, 14. C'est déjà bien, hein. C'est son premier. We'll be right back. Une tarentelle pour tous, c'est bien c'est le titre que vous venez d'écouter ou de danser chez vous, hein, je ne sais pas, on ne sait jamais des fois que... voilà, donc c'était le duo, un duo également là, mais c'était Virginie Zefinski et Cyril Denry. Ce sont les amis savoyards, voilà, tout simplement. Extrait de leur album Accordéon Chant Yodel Volume 3. Voilà, c'est leur troisième album. Et cette tarentelle, eh bien, c'est de Cyril Denry, Virginie Zulinski, Christelle Jeanblanc et de votre serviteur. Voilà. Et sachez que vous pourrez les retrouver du côté de la Haute-Marne pour un thé dansant à la Niche, à Dom-Marien, entre Langres et Dijon. Et ça sera le dimanche 28 juillet 2019, bien entendu, de 15h à 20h pour un thé dansant donc à la Niche, à Dom-Marien. Alors, si vous voulez réserver ou avoir plus d'informations sur la Niche, eh bien, voici un numéro, c'est le 06 79 24 36 39. Je répète, 06 79 24 36 39. Allez, après la tarentelle, l'Italie, eh bien, on va aller du côté de l'Autriche avec la valse viennoise et notre ami Michel Lécuyer de Vienne-Amiens. Extrait de son album, son tout dernier album, Prends ton accordéon. Donc c'est parti, Michel Lécuyer de Vienne à Mianet. Très jolie valse viennoise. Signé Michel Lécuyer. Eh bien, merci à Christophe Pesset dans Vous êtes parti. Un très joli valse viennoise, en tout cas. La Belle d'Ivoire, signée Arlette Violier, Hubert Ledan pour les paroles. Et pour la musique, eh bien, c'est de Jean-Michel Sonnera et Christophe Pesset. Extrait de l'album de notre ami Christophe Pesset, Balade en Savoie, volume 2. Voilà, pour les valses viennoises. Allez, après la valse viennoise, eh bien, on va aller danser le baillon. Eh bien oui, le baillon. Avec Frédéric Buch. Et vu que c'est les vacances et que, en général, en été, qui dit vacances dit mer. Et au bord de la mer, eh bien, il y a le sable. Donc c'est Baillon sur le sable. Allez, c'est parti avec Frédéric Buch, extrait de son album Ma belle Lorraine. Eh bien, c'est parti pour le baillon, baillon sur le sable. Le ciel bleu, les cocotiers, petite brise désalisée, corps bronzé, couleur café, je regarde le soleil. Bikini, cheveux au vent, je n'ai pas un seul instant. Oui, je souris à la vie et je suis heureuse d'être ici. Oui, je souris à la vie et bienvenue dans mon pays. Viens avec moi sous le soleil, où je t'éloigne sous le ciel. Le bonheur est partout, dans les îles de toi m'autour. Et mets tes pieds sur le sable, bouge ton corps et ton âme. Au son du ukulélé, le chant vous émerveille. Colis de fleurs et ciel bleu, le baillon du soleil. Viens avec moi sous le soleil, bouge ton corps et ton âme. Le bonheur est partout, dans les îles de toi m'autour. Et mets tes pieds sur le sable, bouge ton corps et ton âme. Au son du ukulélé, le chant vous émerveille. Colis de fleurs et ciel bleu, le baillon du soleil. Eh bien, merci à notre ami Alexis Ballandier avec ce baillon extrait de son album eh bien, qui s'appelle Ballantier dans les Vosges et ce baillon qui s'appelle eh bien, Baillon à deux, signé Martial Villemain, Alexis Ballandier et Yannick Catin. Un album en 23 titres, toujours disponible. Allez, après le baillon, eh bien, on va aller danser le disco, on va s'y fouler un petit peu avec un medley de Claude François. Extrait de l'album de la princesse de l'accordéon, c'est Erika qui nous vient de Belgique, donc un medley de Claude François, cette année-là, le lundi au soleil, chanson populaire. Eh bien voilà, c'est ce qui vous attend dans Musette Party. Allez, Erika pour le disco, allez, on se défoule. Thank you. Eh bien voilà pour le disco, les années 80. Hein. Merci à Erika. Extrait de cet album La Fête à l'accordéon, volume 5. Et après le disco, eh bien on s'aligne pour le Madison maintenant. Allez, un petit Madison. Alors c'est interprété par André Rock. Extrait d'un album qui s'appelle 100% Cadence avec tous les accordéons du monde. Eh bien, c'est le Madison. Allez, place au Madison. Et André Rock. Madison. Eh bien, merci à Pascal Haas, extrait de son album Alors on danse avec ce Madison qui s'appelle Tu m'as dit son. Eh bien, c'est signé Christopher Kaz, extrait donc de l'album de Pascal Haas, hein, un album en 18 titres que nous vous conseillons si vous ne l'avez pas dans votre discothèque. Voilà donc après le Madison. Eh bien, on va aller danser la valse maintenant avec l'orchestre Tendance. L'orchestre Tendance qui est composé d'Hubert Ledan au clavier et au chant, ainsi que Eric Collomb au chant et à l'accordéon, et quelquefois au bandoneon aussi. On les écoute avec Ma Nostalgie Musette. Eh bien, c'est une valse extraite de leur tout dernier album, Accordéon Select Volume 4, voilà, en tout, eh bien, 26 titres. Thank you. Voilà, très jolie valse interprétée eh bien, par Mickaël Pigeat. Et Mickaël Pigeat eh bien, qui vient de vous envoyer cette valse, une valse swing. Et ça s'appelle la valse à Titoun, signé Mickaël Pigeat, extrait de son tout dernier album. C'est la valse du Berry, c'est le titre de cet album. Voilà, donc vous êtes bien dans Musette Partie sur Radio Guémozo 107.0. Et sur Fréquence à Métier sur le 91.3 ainsi que sur Résonance FM 88.1 à la Bresse, eh bien c'est tous les samedis et tous les dimanches matin. Voilà, donc votre émission Musette Partie, merci d'être là à l'écoute. Hein. C'est pas fini. Et on poursuit. Avec une série de tangos. Et Émile Péquinier, eh bien, qui nous emmène danser le tango. Un petit voyage du côté de Buenos Aires, de l'Argentine. Et voici deux tangos qui s'appellent donc Buenos Aires, Querido, et l'autre c'est Imploration. Allez, place au tango et Émile Péquinier, un album spécial tango. 17 tangos dans cet album. Hein. Avec Émile Péquinier à l'accordéon et René Grant au bandoneon. Et au violon, c'est Estella Calouda. Allez, on choisit sa cavalière. Thank you. Eh bien, merci à notre ami Émile Piquinier. Et vous êtes bien dans Musette Party sur Radio Guémozo 107.0 et également sur Résonance FM 88.1 à la Bresse. Et ce, tous les samedis matins et tous les dimanches matins, même pendant les vacances, vous voyez. Hein. C'est pas beau, ça. Alors, après le tango, eh bien, on va aller danser le charleston avec Angélique, la fille du bal. Eh bien, c'est Angélique que voici. Et un petit charleston qui s'appelle le charleston des années 20. C'est signé Frédéric Langlais et Angélique. Extrait d'un album qui s'appelle La fille du bal. Un album en 18 titres hein, que nous vous conseillons. Donc, c'est parti pour les charleston. Angélique. La fille du bal. Thank you. Merci Myriam, Myriam Thiebaud, dans Vous êtes partie, qui nous vient de Bu dans les Vosges, à côté de Rambervillers, entre Rambervillers et Épinal. Voilà. C'était le petit Charleston. Extrait de l'album de Myriam Thiebaud, hein, son premier. On attend le prochain avec impatience. Hein. Donc cet album qui s'appelle L'amour est un oiseau. Et là, ce Charleston que vous venez d'écouter, c'est la star des années Charleston. De Bruno Lorenzoni, Jean-Marc Torchi et Frédéric Buch. Voilà, donc après Myriam Thiebaud et le Charleston, eh bien on va poursuivre avec un accordoniste qui nous vient de Bordeaux, c'est Kevin Monnier. Et voici une cumbia qui s'appelle Cadabumpla. D'ailleurs, c'est le titre de phare de cet album, Cadabumpla. C'est de Michael Richard, Jérôme Richard et Kevin Monnier. Alors c'est une cumbia, c'est pour la série de cumbia. Hein. Et ensuite, ça sera la cumbia Semala, interprétée par Nathalie Bernat. Extrait de son tout dernier album, Étoile Occitane. Allez, place à la cumbia. C'est parti. Kevin Monnier, Nathalie Bernat. Deux accordonistes du Sud. là-bas. Envie de danser, envie de t'aimer. Un refrain de cumbia, le soleil de Cuba. Du bonheur à gogo, bien sous les cocos. Cette chanson, c'est l'émotion. C'est quelques notes, couleurs frissons. Un rythme chaud sur le tempo latino. C'est un parfum qui me rappelle qu'à tes côtés, la vie fut belle. Mais c'est ainsi, oui c'est la vie, c'est cruel. J'entends la cumbia, je danse la cumbia. Cette cumbia là, elle est pour toi. Eh bien, en espérant que vous ayez passé un bon moment en notre compagnie sur les ondes de Radio Guémozo, Résonance FM et Fréquence Amitié. Comme tous les samedis matins entre 10h et midi sur Radio Guémozo, le samedi, le dimanche, dès 7h, hein, sur Radio Guémozo également. Sur Résonance FM, eh bien, le samedi, c'est dès 11h, et le dimanche, dès 5h. ainsi que sur Fréquence Amitié le samedi dès 9h. 107.0, 88.1 et 91.3. Voilà, ce sont les trois fréquences sur lesquelles vous nous écoutez. Alors, gros bisous à vous. Merci pour votre fidélité encore une fois. Restez branchés, les programmes continuent. Et on va se quitter avec le passe-double. Alors, le premier, eh bien, c'est Jean-Baptiste Vaz, eh bien, qui nous vient de l'Aube, de Romilly-sur-Seine, qui nous emmène en Espagne. Jean-Baptiste Vaz, d'origine portugaise. Hein. Et ça s'appelle La Feria de Bayonne, signé Jean-Baptiste Vaz et Eric Bouvel. Et le deuxième, eh bien, ça sera un passe-double interprété par Christophe Girard. Notre ami Christophe Girard. Et un classique, eh bien, ça sera Coplas. Voilà, on se quitte avec cette série. Alors, les programmes continuent. Hein. Merci. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Musette Party. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut !